Le temps du don, en partenariat avec l'Union départementale des associations de donneurs de sang bénévoles en Meurthe-et-Moselle. Bienvenue sur Fadjet, vous écoutez Le Temps du Don. Au programme de cette sixième émission, Dominique vous informera sur les dernières actualités sur le don de sang. La thématique de l'édito sera les quatre saisons du plasma. Nous recevrons une médecin de l'établissement français du sang de Nancy qui nous dira tout ce qu'il faut savoir sur le plasma. Et on finira avec l'agenda du don du mois de février. Le Temps du Don, le temps de l'actu. Tout de suite, le temps de l'actu présenté par Dominique. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous parlons d'une belle actualité solidaire qui nous concerne toutes et tous, le don de sang en 2026, avec la nouvelle campagne de l'établissement français du sang intitulée « Cette année, on donne tout ». Cette fois, l'EFS propose de donner un peu de soi pour sauver des vies. Que ce soit le don de sang, le don de plasma ou même le don de plaquettes, ce geste simple et volontaire peut faire une énorme différence pour celles et ceux qui en ont besoin, parfois dans des moments très critiques. L'EFS rappelle que les besoins en produits sanguins sont constants tout au long de l'année, après les fêtes, au printemps, en été ou à la rentrée. Les patients, qu'ils soient victimes d'accidents, les personnes atteintes de maladies, les femmes en situation d'accouchement compliqué. Toutes ces personnes dépendent de ces dons pour être soignées. Un don de sang, par exemple, ne prend qu'environ une heure de votre temps, mais il peut sauver jusqu'à trois vies. Les concentrés de globules rouges permettent de transfuser lors d'hémorragies, d'opérations, d'accouchements ou d'anémie. Et ce n'est pas tout, les différentes formes de dons permettent d'apporter des composantes spécifiques du sang, essentielles pour des traitements particuliers. Le plasma, par exemple, est indispensable à la fabrication de médicaments vitaux pour les personnes atteintes de maladies rares ou chroniques. Enfin, les plaquettes permettent de soigner les malades qui font une hémorragie. Le don de plaquettes dure plus longtemps, environ une heure et demie. Si le don de sang total peut se faire dans des collectes mobiles, les dons de plasma et de plaquettes, ils peuvent se faire uniquement dans les maisons du don. Le FS vous encourage donc aussi à donner plus souvent dans l'année, si votre santé le permet. Ainsi, vous contribuez à maintenir des réserves stables et suffisantes là où elles sont parfois fragiles, notamment durant les périodes de vacances ou à l'approche de l'hiver. Deuxième actu, mais on est un peu moins concernés tous les deux, Christophe. Je ne sais pas si tu le sais, mais jusqu'à présent, si on pesait moins de 55 kilos, on ne pouvait pas donner son plasma. Oui, je le savais. La direction médicale de l'établissement français du sang a décidé de baisser cette limite à 50 kilos pour les donneurs de plasma. Donc, les personnes qui étaient exclues par cette limite peuvent donner. Mais je vous recommande tout de même de bien vous hydrater. Et pour ceux et celles dans ce cas, je voulais balayer une idée fausse qui traîne ici et là, on peut voir sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas être à jeun pour donner. C'est même le contraire. Une autre info de dernière minute, alors ça c'est un peu moins rigolo, c'est la collecte du 6 février qui est prévue à Villers-et-Nancy qui a été annulée. On reviendra lors d'une prochaine émission peut-être sur ces annulations de collecte de sang. Le sujet est complexe mais il reste intéressant. Et puis je voulais aussi vous prévenir, chose importante pour tous les étudiants, c'est qu'à partir du 1er mars, ça va arriver vite, commence le rallye du sang dans les universités de Nancy et le programme s'est élargi au don de plasma. Alors, allez voir vos bureaux des étudiants pour voir ce qu'ils font ou poussez-les à s'inscrire pour remporter le trophée cette année. On en reparlera sûrement lors de la prochaine émission. Et petit rappel, on peut donner son plasma toutes les deux semaines. Et tu sais, Christophe, où on peut donner son plasma ? Bien sûr que je sais, à la Maison du Don, boulevard Lobo, à Nancy. On peut même y aller en transport en commun et l'arrêt, c'est l'Orite. Merci. C'est bon, là ? Ouais, c'est ça. Ok, nickel. Le temps du don, le temps de l'édito. Il y a des gestes qui ressemblent aux saisons. Ils reviennent discrètement, régulièrement, et sans eux, la vie perdrait son équilibre. Le don de plasma est de cela. Au printemps, tout recommence. C'est la saison de l'élan, du renouveau, de cette énergie un peu naïve qui nous pousse à faire le bien. Donner son plasma, c'est exactement ça, une promesse. Une promesse que quelque part, quelqu'un va aller mieux grâce à un geste simple, presque ordinaire, mais profondément vital. Puis vient l'été, le temps de la générosité éclatante, des corps actifs, des journées longues. On pense souvent qu'on n'a pas le temps de donner, et pourtant, l'été est aussi la saison où les besoins explosent. Les traitements, eux, ne prennent pas de vacances. Le plasma collecté aujourd'hui devient un traitement demain, un lien invisible entre des inconnus. L'automne, c'est la saison de la maturité. On ralentit, on réfléchit, on comprend que le don n'est pas un acte ponctuel, mais un engagement. Donner son plasma régulièrement, c'est accepter de faire partie d'un cycle. Un cycle où chacun, un jour ou l'autre, peut devenir receveur. Et puis il y a l'hiver. L'hiver, le temps du manque, parfois de la fragilité. C'est souvent dans ces moments-là que l'on mesure la valeur de la solidarité. Quand le corps flanche, quand la maladie s'installe, le plasma devient une chaleur essentielle, une présence humaine, même à distance. Les saisons passent, les besoins, eux, restent. Donner son plasma, ce n'est pas sauver le monde en une fois. C'est l'aider à continuer de tourner saison après saison. Le temps du don, le temps de l'invité. Cette semaine, dans le temps du don, nous recevons une médecin de l'établissement français du sang de Nancy. Bonjour docteur Lubna Brasigliano, bienvenue dans le temps du don. Bonjour à tous. Docteur, dans un premier temps, je vais vous proposer de vous présenter, de nous expliquer en quoi consiste votre mission à l'EFS. Et après un petit quiz facile, hein, pas d'inquiétude, facile pour vous, hein, pour nos auditeurs, je ne sais pas. Hein. Je vous inviterai à nous dire ce que nous devons savoir sur le don de plasma. On part là-dessus ? C'est parti. Eh bien allez, c'est parti. Première question. Mais qui êtes-vous, docteur Lubna Brasigliano ? Alors moi, je m'appelle Lubna Brasigliano, je suis médecin depuis maintenant presque 7 ans à l'établissement français du sang à Nancy. Donc je suis médecin de prélèvement, je peux aussi bien faire passer les entretiens pré-don pour les donneurs qui viennent se présenter pour donner leur sang, leur plasma ou leur plaquette. Et je suis également responsable adjointe du service de prélèvement à Nancy. Ok, et ça consiste en quoi alors ça, cette partie-là du métier là ? Cette partie-là, on est plus dans l'organisation, dans la gestion de service, il y a un peu de management, on gère aussi les formations, les habilitations du personnel, on donne aussi des cours parfois, donc c'est assez global comme activité. Ah oui ? Vous allez dans les écoles ? Pas forcément dans les écoles, mais il y a un DU notamment de médecine du don, un diplôme universitaire dans lequel on donne des enseignements, oui. Tu le savais ça, Dominique ? Ah bah non. Eh ben non, eh ben voilà, on a encore appris quelque chose. Hein. Et avant d'arriver à la maison du don, vous faisiez quoi ? Vous étiez docteur comme mon médecin de... J'étais médecin généraliste, j'ai travaillé aussi pour SOS Médecins à Nancy. Ok. Puis après, j'ai un petit peu bougé pour suivre un peu mon conjoint. Et puis quand je suis revenue à Nancy, j'ai eu envie d'autre chose. Et donc, je me suis orientée vers l'EFS. Et... Parce que c'est une mission qui a du sens, en fait, à mes yeux, qui me plaisait. Et je suis totalement épanouie dans ce rôle. Tiens, petite question aussi. Est-ce que vous êtes donneuse de sang ou de plasma, vous ? Donneuse de sang, je l'étais déjà avant et c'est comme ça que je me suis intéressée au rôle de médecin à l'EFS en fait. Ok, bah écoutez, merci pour cette présentation docteur. Le temps du don, le temps du quiz. Allez, tout de suite la première question évidemment en rapport avec le plasma. Combien de dons de plasma peut effectuer un donneur au maximum chaque année ? Alors ça peut être... Ouais, je vais être sympa, je vais donner pour nos auditeurs quelques indices. Allez, petit A, 4, petit B, 24. Petit C, 52. Eh ben c'est petit B, 24. Donc on peut donner toutes les deux semaines. Donc logiquement, ça ferait 26, mais voilà, on a limité quand même à 24 par an. Et c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà beaucoup, effectivement. Hein, on a des donneurs qui y arrivent. Oui. Ah, félicitations à eux. Bravo. Ouais. Bravo à eux. Hein. Effectivement, on en rencontre des fois lorsqu'on remet des diplômes, effectivement, des donneurs accros aux dons de plasma. Donc effectivement, on voit des donneurs qui ont plus de 200 dons allègrement, qui les dépassent allègrement. Donc c'est parce qu'ils donnent effectivement leur plasma. Allez, on va tout de suite enchaîner avec la deuxième question. Il y a un groupe sanguin que l'on qualifie de donneur universel. Quel est ce groupe ? Petit A, A, petit B, B, petit C, non pas C, O. Donneur universel pour le sang total, on est d'accord pour les cellules. Pour le sang total, oui. Donc évidemment, c'est le O. Évidemment. C'est facile. Hein, quand... C'est tellement facile. Je pense que les auditeurs le savaient, bien entendu. Et ça me permet de rebondir là justement à la petite question que vous avez fait, que vous venez de faire là. Pour le plasma, c'est pareil, il y a des donneurs universels. C'est un autre groupe pour le plasma, c'est pour ça que je demandais. Et, ouais. Et c'est quoi alors du coup ? Allez, comme ça on va... C'est le AB en fait, oui. C'est le AB. Ok, et bah écoutez... Merci pour ces réponses. C'est trop facile pour un médecin. Il faudra que je corse plus la prochaine fois qu'on en reçoit un. Le temps du don, le temps de l'invité. Alors, docteur Brasigliano, nous avons fait connaissance tout à l'heure et savons ce que vous faites au quotidien à la maison du don. Je souhaiterais maintenant que l'on puisse parler du plasma et surtout que vous nous donniez les raisons pour lesquelles c'est important de donner son plasma. On sait que les objectifs de plasma sont importants hein, en 2026. C'est quoi le chiffre là, qu'on doit collecter en 2026 sur le plasma ? 2,9 millions, non, je crois. On est sur cet objectif-là pour 2028 pas, non, peut-être. Pas encore, oui, c'est pour après. Oui. L'objectif ultime, c'est ça, ce serait pour couvrir tous nos besoins. Mm-hmm. Mais là, on a un peu plus d'un million de litres, donc c'est déjà pas mal, oui. Donc ouais, c'est un bel objectif déjà pour 2026. Alors bon, clairement déjà, c'est quoi le plasma ? Le plasma. Le plasma, c'est la partie liquide du sang, en fait, hein, dans lequel baignent toutes nos cellules, les globules rouges, les plaquettes, les globules blancs. Et c'est l'élément le plus important, finalement, du sang. Hein. Ça représente quand même 55% du volume sanguin. Et ce qui nous intéresse, nous, là, dans le plasma, c'est certaines protéines, en fait, hein, qui sont utilisées pour le traitement des maladies. Il y a trois grandes classes de protéines. OK. Donc, il y a d'une part les immunoglobulines, qu'on connaît un peu sous le nom d'anticorps. Ah oui. D'accord. C'est les plus gros besoins qu'on a actuellement en France et dans le monde et qui vont être utilisés pour certaines maladies auto-immunes et certains déficits immunitaires, en fait. Là, en plus, actuellement, on diagnostique de plus en plus de maladies auto-immunes. Il y a de plus en plus de diagnostics qui sont faits précocement, de plus en plus de traitements nécessaires et on a des besoins qui sont en constante augmentation dans ce domaine-là. Donc, il y a d'une part les immunoglobulines et puis il y a aussi donc, l'albumine. C'est une protéine qui est utilisée, qui a un rôle, en fait, qui retient l'eau dans les vaisseaux et qui véhicule un petit peu les hormones et les médicaments. L'albumine, elle va être beaucoup utilisée en réanimation, dans les services de néphrologie, d'hépatogastro-entérologie et en réanimation, par exemple, c'est pour les grands brûlés. On l'utilise beaucoup. D'accord. Et puis, il y a un troisième type, ça va être les facteurs de coagulation qui sont utiles pour stopper le saignement et donc qui vont être très utiles pour soigner les patients qui sont atteints de troubles de la coagulation, comme par exemple l'hémophilie. Donc voilà un peu les trois grandes classes de médicaments qui nous intéressent. Et malheureusement, à l'heure actuelle, on n'a aucun moyen de les fabriquer de façon synthétique. C'est comme pour le don de sang, quoi. Il n'y a rien qui remplace un don de sang. Le plasma, c'est pareil, quoi. Exactement. D'accord. Et ces médicaments, le plasma, il est transformé quelque part ou quand on donne en France? Oui, tout à fait. Donc nous, on le collecte. En fait, le FS va collecter le plasma. Et puis ensuite, donc, c'est le LFB, hein, le Laboratoire français des biotechnologies, qui va fractionner le plasma et permettre un peu d'isoler toutes les protéines dont j'ai parlé. Hein, d'une part, les immunoglobulines, l'albumine et les facteurs de coagulation. Ok, donc il est transformé donc, au LFB. Et où est-ce qu'on peut donner son plasma? Est-ce qu'on peut aller sur les collectes mobiles ou est-ce qu'il faut se rendre à un endroit spécifique? Alors malheureusement, pour le moment, c'est pas possible sur les collectes mobiles parce que les automates qui sont utilisés pour séparer le plasma des cellules ne sont pas transportables sur les collectes mobiles. Donc c'est uniquement sur les maisons du don. Donc ici, c'est à Nancy, boulevard Lebeau. Mmh. Ouais, c'est important ça, parce que c'est souvent des questions qui nous sont posées, hein. Où est-ce qu'on peut donner son plasma? Donc c'est bien dans les maisons du don, donc quelle que soit la région, il y a des maisons du don, donc c'est bien là-bas qu'il faut se rendre pour donner son plasma. Et comment ça se passe un don de plasma? Alors un don de plasma, comment ça se passe? Donc déjà il faut être très très bien hydraté en fait, hein. Le plasma c'est quasiment 90% d'eau, c'est énormément d'eau, donc bien boire sur les 2-3 jours qui précèdent le don et le jour du don. Donc on arrive, on s'inscrit, on remplit un questionnaire, on passe un entretien pré-don pour vérifier l'éligibilité au don. Et puis une fois que tout est ok, donc on est installé comme pour un don de sang. Et là la différence c'est qu'en fait on va prélever le sang et qu'on va faire une séparation sur place. On sépare directement sur place le plasma, donc à l'aide d'une filtration, on filtre un petit peu, on garde les cellules qu'on redonne au donneur, donc les plaquettes, les globules rouges, les globules blancs, et on va garder uniquement le plasma. Et ça nous permet de collecter des plus grosses quantités de plasma que sur un don de sang total classique. Pendant un don de sang total, on donne aussi du plasma alors, du Tout à fait. Ouais, tout à fait. En fait, la différence, c'est que la séparation se fait après. Quand vous donnez en sang, la poche de sang va être prélevée sur place, et puis c'est après, elle est apportée à notre service de préparation qui va séparer les différents éléments, donc plasma, globules rouges et plaquettes, mais on récoltera des volumes un peu moins importants que sur un don de plasma exclusif. Il me semblait aussi que... Est-ce qu'il y a des contre-indications pour donner son plasma ou inversement, c'est plus facile donner son plasma que son sang? Il y a des contre-indications qui sont identiques au sang pour donner en plasma et il y a certaines dérogations par rapport à certains, notamment par rapport au don d'hémoglobine par exemple, on va être plus exigeant pour un don de sang total par rapport à un don de plasma où là on vous rend les globules rouges et il y a une petite dérogation par rapport au taux de base d'hémoglobine. Et puis, il y a certains voyages aussi qui ne contre-indiquent pas le don de plasma, contrairement au don de sang total. Donc, ça peut être intéressant au retour des voyages également de donner en plasma. Et donc maintenant, même à partir de 50 kilos, donc on peut donner son plasma. C'est une info que tu nous donnais tout à l'heure, Dominique. Et ça, c'est important parce que ça vient juste de tomber. Là, c'est de quand, en fait c'est tout récent. Là, c'était la semaine dernière, il me semblait. Okay. J'ai pas bien écouté ce que Dominique disait, c'est pour ça. Donc, merci de préciser, docteur, cette information. Est-ce que tu as d'autres questions, Dominique? On a fait le tour, je crois. On a fait le tour. C'est juste une dernière question, docteur. On est encore pas autosuffisant en France. C'est quoi les risques là? Parce que c'est important quand même. C'est inquiétant de ne pas être autosuffisant en France. Oui, c'est vraiment très important. C'est un enjeu sanitaire important pour nous à l'EFS. À l'heure actuelle, je vous ai parlé d'immunoglobulines tout à l'heure, hein, les anticorps. À l'heure actuelle, on importe 65% des besoins en fait en France. On arrive à prélever suffisamment de plasma pour couvrir seulement 35% des besoins de nos patients. Et il vient d'où alors ce plasma? Il vient essentiellement des États-Unis. Et c'est vrai qu'avec toutes les crises géopolitiques, écologiques, sanitaires qu'on peut avoir, on aimerait bien pouvoir parvenir à un statut d'autosuffisance en France. Oui. Ah oui, un bel enjeu là. Un très bel enjeu, oui. Un défi qu'on va essayer de relever à l'EFS et avec tous les donneurs. D'où l'importance effectivement de venir donner son sang et puis surtout de se renseigner sur les dons de plasma. Et il y a des petites challenges qui sont mis en place. Il y avait un plasma team qui a été mis en place l'année dernière. Je pense qu'il sera reconduit cette année. J'ai aucun doute là-dessus. Et puis il y a des petits objectifs comme ça qu'on peut se fixer, c'est de donner une fois par saison comme c'était indiqué dans l'édito précédent. En guise de mot de la fin, docteur, que diriez-vous pour convaincre encore des personnes à venir donner leur sang en collecte mobile, j'élargis un peu, et puis leur plasma à la maison du don ? Alors oui, c'est vrai qu'on ne prend pas toujours le temps, parce qu'on a tous des vies à mille à l'heure, en fait, hein, moi la première, hein, mais c'est important d'essayer de trouver le temps, en fait, un don par saison, c'est un objectif qui, je pense, est atteignable, en fait, prendre un petit moment une fois par saison pour venir donner son sang, son plasma, si on peut, sur la maison du don, c'est vraiment important pour les patients qui en ont besoin. Merci docteur Lubna Brasigliano. Merci à vous. Le temps du don, le temps de l'agenda. Comme d'habitude, on va finir avec les lieux dans lesquels on va pouvoir aller donner notre sang au mois de février. Donc Dominique, à toi la parole. Alors Christophe, on peut donner autour de Nancy à Frouard le 17 février, à Pulnois le 23 février, à Liverdun le 27 février, comme à Dulloire, le même jour, donc le 27 février. Et enfin, place Stanislas, à l'hôtel de ville de Nancy, le 21 février, toute la journée. Mais oui, c'est le don gastronome. Oui, avec la table gourmande. Exact. Et si je suis un peu plus loin de Nancy, où est-ce qu'on peut aller donner ? Eh bien Christophe, on peut aller plus au sud, à Lunéville, ce sera le 17 février, à Blainville-sur-Lot, le 18 février, et le 20 février, ce sera Saint-Nicolas-de-Port. Ou ailleurs, on peut aller à Colombey-les-Belles, le 19 février, à Écrouves, le 20 février, et le 26 février, ce sera à Bayon. Et si on se déplace vers le nord du département ? Eh bien, on pourra donner son sang à Pont-à-Mousson le 16 février ou alors à Pagny-sur-Moselle le 12. Et enfin, on termine toujours plus au nord. À Tuquenieux, ça sera le 6 février et à Longwy le 9 février ou à Villerue le 13. Et on retrouve toutes les collectes sur le site dondesang.efs.santé.fr ou en tapant don de sang sur votre moteur de recherche préféré et toutes les infos sur votre application Don du sang sur Android ou sur iOS. C'est le plus simple et on trouve les lieux et puis on peut prendre rendez-vous directement et le mieux sur l'application. Vous avez un suivi sur vos dons et vous saurez combien de personnes vous avez sauvées. Merci Dominique pour toutes ces informations complètes pour pouvoir donner son sang. Le temps du don, c'est fini pour aujourd'hui. Le temps de cette émission, vous auriez pu faire un don de sang et devenir un héros en sauvant 3 vies. On vous retrouve avec Dominique le mois prochain, vendredi 6 mars à 12h30, avec un nouvel invité.